Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Club Clapon Tourne. Aujourd'hui c'est Jacques Marin avec son film La Charade de 1963. Et la technique c'est... C'est Marcus, bonjour Tanguy. Bonjour Marcus, je vais commencer par la biographie de Jacques Marin. Il est né le 5 septembre 1919 à Paris. Décédé le 10 janvier 2001, 81 ans, à Cannes, Alpes-Maritimes. Professeur acteur, film notable, Je vous interdis, Le Poulet, La Charade et L'île sur le toit du monde. Biographie. Ancien élève du Conservatoire National Supérieur de la Dramatique de Paris, sa carrière cinématographique démarre vraiment en 1951 grâce à son rôle dans Jeux interdits. Le dernier film de René Clément a fait l'unanimité de la presse. Dis que j'y vois rien. Alors tu sais pas compter? 3. Tu vois bien qu'on y voit. Pourquoi tu me tires la langue? Pour voir si tu y vois. Mais les jeux interdits sont-ils bien ceux de l'enfance? Les grands ne sont-ils pas responsables de l'exemple qu'ils donnent? T'étais dans la grange. Menteur, menteuse. Ce film, que la critique considère comme l'un des meilleurs de la production mondiale de ces 10 dernières années, est l'aventure de deux enfants qui veulent construire un monde à l'image de celui des grandes personnes. D'enfer, celui qui ment, il va en enfer. Toujours ça. Et ça. Donc on est de retour dans le sac et clapon tourne, et c'était un petit extrait de 1951 de Jeux interdits. Physiquement proche du stéréotype français avec sa rondeur bougonne et sa moustache en brosse, il a joué dans de nombreuses productions américaines. Il maîtrise en effet parfaitement l'anglais. Cela lui permettra d'approcher de nombreuses stars telles que Marlon Brando, Gary Grant, Errol Flynn ou Burt Lancaster. En 1963, il joue le rôle du père dans la première réalisation de Claude Berry, Le Poulet. Un film est sorti à Paris, Le vieil homme et l'enfant. Tout le monde en parle, mais qui est son auteur? Claude Berry, un jeune homme inconnu qui a déjà remporté un Oscar à Hollywood. François Chalais vous le présente. Un jour, les Français ont appris avec un certain étonnement qu'un Français parfaitement inconnu venait de remporter à Hollywood l'Oscar du court-métrage avec un petit film qu'il n'avait d'ailleurs pas vu davantage, qui s'appelait Le Poulet. Or ce Français, Claude Berry, c'était vous. Mmh. Le poulet, c'est une histoire très simple. Un enfant a peur que ses parents ne tuent son coq préféré. Alors, pour éviter cette catastrophe, chaque nuit, il va placer un œuf sur la litière du coq. Un autre. Alors quand on le mange, le poulet? On le mange plus, puisque c'est une poule. L'idée, c'est un fait divers que j'avais lu dans François. Un jour j'ai acheté François et j'ai lu à la page 3 pour que vive son coq, Alain 6 ans lui faisait pondre un œuf par jour. J'ai lu ces 5-6 lignes et de voir qu'un enfant arrivait à faire pondre un coq, ça m'a amusé. Et j'ai fait le poulet. C'est de retour, ça qui clap en tourne, et vous avez entendu un petit extrait du poulet de Claude Berry, de 1963. Il a joué aussi dans de nombreuses pièces de théâtre diffusées à la télévision, dans Au théâtre ce soir et dans les séries télévisées comme Les 5 dernières minutes. Je suis le commissaire Bourrel de la police judiciaire. Donc vous pensez que votre fille a été enlevée? Cette nuit-là, quelqu'un qui devait le connaître l'a égorgée. J'ai peur qu'elle ait fait une bêtise. Comment ça, une bêtise? Vous avez pensé qu'elle était avec une autre femme? On n'a pas de témoin, pas de pièce à conviction. Voilà. Elle est coupable, elle court encore. Je peux vous assurer d'une chose, c'est pas moi. C'est lui! Vous avez l'art de fouiller dans le passé des gens. Je fouine, je renie, je questionne. Dieu, mais c'est bien sûr. Oui, j'ai trouvé. Et vous n'avez pas trouvé? Les 5 dernières minutes. Vous êtes de retour dans le message qui clap en tourne et vous avez entendu un petit extrait des 5 dernières minutes. Il est décédé à 81 ans le 10 janvier 2001 à Cannes, d'un œdème du poumon. Filmographie, cinéma. Année 1940-1950. 1952, Jeux interdits de René Clément. 1952, Nous sommes tous des assassins d'André Cayette. 1955, Si Paris nous était compté de Sacha Guitry. 1955, Les évadés de Jean-Paul Le Chanois. 1957, Le rouge émis de Gilles Grangier. 1957, Porte des lilas de René Clair. 1958, Le temps des œufs durs de Norbert Carbonneau. 1961, Le président d'Henri Verneuil. 1961, Le monocle noir de Georges Lautner. 1966, Paris au mois d'août de Pierre Granier de Fer. Et 1974, L'île sur le toit du monde de Robert Stevenson. Un plein fait des bulles. Et moi, je suis dans une bulle. Une grosse bulle. En fait, c'est un dirigeable. Comme celui qui emporte Capitaine Brieux et ses deux passagers, qui sont partis à la recherche d'un explorateur, perdu dans l'Arctique. C'est un extrait de L'île sur le toit du monde. Ouais. Oh! Oh là là! Oh, ça bouge! Oh ben, ça va casser, là, hein! Capitaine, l'hélice à bâbord n'a pas supporté l'accélération! Et que se passe-t-il? Ça m'a couvert d'une panne d'hélice. J'ai suivi vos ordres, monsieur, et voilà le résultat. À présent, il faut revenir en France pour réparer. Il n'en est pas question. Nous allons continuer avec la deuxième hélice. Avec les vents de l'Arctique? Ça serait du délire, sir Anthony. Sans la puissance maximale, mon dirigeable ne tiendra pas. Je refuse de continuer plus avant. Quant à moi, je refuse de rebrousser chemin. Il nous faut pourtant prendre une décision. Vous avez dû prévoir une hélice de secours. Naturellement. Pourquoi ne pas faire l'échange? En plein ciel? Impossible. Rien n'est impossible. Très bonne idée, Iverson. Dépêchez-vous, aidez-moi. Messieurs! Dois-je vous rappeler que c'est moi qui suis le commandant? Seul un idiot pourrait tenter pareille folie. Je vais le faire moi-même. Soyez prudent, capitaine. Soyez courageux, mais pas téméraire. Allez, laisse-la venir. T'es bien aussi bête que ton frère. Faites attention, capitaine, je crois que le vent se lève. Hissons-le vite. Félicitations, capitaine. C'était une tâche délicate. Merci, Sir Anthony. Je n'ai fait que mon devoir. Mais que fait-il encore? Marcel, mets le contact. Contact, capitaine. Phénomène, ce Brieux. Cet homme est incroyable. Brave, mais insensé. Vous êtes de retour dans l'émission Quelques clapons en tourne, et c'était un petit extrait de 1974 de L'île sur le toit du monde. 1975, Flic Story de Jacques Deray. 1977, Les mille pattes feuillées claquettes de Jean Giraud. Et 1978, La grande cuisine. J'en ai fini sur cet acteur et je passe à son film La Charade de 1963, réalisation Stanley Domène. Genre comédie policière, durée 113 minutes et date de sortie 1963. De retour dans l'émission Quelques clapons tourne, et c'était un petit extrait. Résumé du film. Régina Lampert, c'est à Megève pour les sports d'hiver. À son retour de Paris, elle découvre son appartement dévasté et vidé de ses meubles et de ses animaux de compagnie. L'inspecteur Grandpierre lui apprend l'assassinat de son mari dans le train Paris-Bordeaux, alors qu'il se prépare à partir vers l'Amérique du Sud. Fait troublant, elle a retrouvé 4 passeports différents à son nom. En fait, Régis ne sait rien de son mari, ni de sa famille, ni de son travail. Oui, alors là, je suis désolé, j'ai plus d'extrait. Ah d'accord. Régis est poursuivi par les complices du forfait, ceux-ci étant persuadés que son mari lui a transmis le butin. Elle s'appuie sur Joshua, l'homme rencontré à Megève, mais il s'avère qu'il est de connivence avec les voleurs. De plus, elle lui découvre successivement plusieurs identités. Ses poursuivants sont mystérieusement assassinés, les uns après les autres, et les recherches révèlent le secret du butin. L'argent a été converti en 3 timbres de collection. Finalement, l'agent Bartholomé de la CIA n'est d'autre que le complice que tout le monde croyait mort, et Peter Joshua appartient bien au service secret américain. Fiche technique. Titre La Charade, de 1963. Production Stanley Domène. La musique est d'Henri Mancini. Tournage dans les studios de Bouillonne-Billancourt. Format colorisé. Pays États-Unis. Genre comédie policière. Durée 113 minutes. Date de sortie aux États-Unis le 5 décembre 1963 et en France le 18 décembre 1963. Distribution. Audrey Hepburn, c'est Regina. Régis Lampers. Gary Grant, c'est Brian Brockhank. Peter Joshua. George Kennedy, c'est Herman Scobie. Jacques Marin, c'est l'inspecteur Édouard Grandpierre. Dominique Minot, c'est Sylvie Gaudet. Paul Boniface, c'est Monsieur Félix. Et Bernard Musson, c'est le réceptionniste de l'hôtel. Prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario. Lieu de l'histoire. Megève au début, puis dans un hôtel à Paris. La capitale sert de décor avec des scènes dans les rues et dans le métro, ainsi que dans le jardin des Champs-Élysées. Autour du film, Stanley Domène s'était spécialisé dans la comédie musicale avec notamment Chantons sous la pluie, 1952. Avec Charade, il nous propose une comédie policière où le spectateur oscille entre le suivi de l'intrigue avec une série d'assassinats et la veine comique dont procède le jeu des acteurs. Le film est parcouru par de nombreuses références cinématographiques, citations parfois même directes, déambulant dans les quais de la Seine. Il a également de nombreuses références à l'œuvre d'Hitchcock, notamment la scène de lutte sur le toit, allusion à sueur froide. Lors de la fameuse scène de bagarre sur le toit de l'American Express, on peut voir un moment Gary Grant. Il s'était réellement fait mal au dos sur cette scène. Une erreur s'est glissée dans le film. Une scène se passe dans la station de métro Saint-Jacques à Paris. La station filmée est une station souterraine, alors que la vraie station est aérienne. Par ailleurs, il paraît peu plausible, à partir de cette situation, de rejoindre Palais-Royal en si peu de temps, et en aucun changement. En réalité, il s'agit d'une seule et même station. L'histoire situe l'hôtel et la station de métro du côté de la tour Saint-Jacques, à proximité du Châtelet, ce qui justifie le rendez-vous au hall avec Bartholomé et l'accessibilité à la cour d'honneur du Palais Royal et du jardin des Champs-Élysées. J'en ai fini sur ce film, et je peux vous dire que la rediffusion c'est le lundi matin à 9h, et puis que dans 15 jours c'est Pierre Dac. Bonne semaine à tous, au revoir.